jour, il a plu 40 nuits. Le soleil est revenu, le ciel, la vie maintenant nous sourit. Une fleur est apparue sur le sol, encore mouillé. La colombe est revenue ce soir avec une branche d'olivier. Il a plu 40 jours, il a plu 40 nuits. Le soleil est revenu, le ciel, les fleurs maintenant nous sourient. Que c'est bon de regarder, regarder tout droit devant. Que c'est bon d'écouter la terre qui sèche et qui chante sous le vent. Que c'est bon de voir la vie s'éveiller après la pluie. Il a plu 40 nuits, mes frères, souvenez-vous bien de la pluie. Que c'est long, que c'est long, que c'est long, que c'est long, 40 nuits, mais le soleil est revenu. Mes frères, souvenez-vous bien de la pluie.